Confirmé aujourd'hui que ce que tout le monde savait depuis la fin de la semaine, Danny Machocha, le nouvel directeur général des Alouettes de Montréal, Mario Cicchini, c'est ça que je retiens le plus, devient le nouveau président, un gars connu du monde des médias, un gars connu du monde de la publicité, un gars connu du Québec King. On en parle avec Pascal Masson. Salut Pascal! Salut Dan! Pascal, évidemment, toi c'est peut-être plus le côté football, moi... Écoute, moi j'ai pas de commentaire là-dessus, j'ai pas j'ai pas d'opinion, pas compliqué. Je sais que Danny Machocha est aimé par les journalistes, je sais que Danny Machocha est un francophone, les gens voulaient ça depuis longtemps, mais je sais des choses aussi que Danny Machocha dans les Canadiens, ça a pas toujours été des bons coups aussi. Fait que tu sais, je suis comme mélangé entre les deux, t'es d'accord avec moi? Ben, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on peut dire par rapport à une carrière globale de quelqu'un en soulignant des mauvais coups, dans le sens que faut pas oublier que Danny Machocha a quand même gagné deux Coupes Grey avec les Eskimos, un comme coordinateur à l'attaque, un comme entraîneur-chef, une coupe comme entraîneur-chef et coordinateur à l'attaque. C'est sûr que lorsque tu te fais mettre à la porte, te fait libérer par une organisation comme ça lui est arrivé à sa dernière saison avec les Eskimos, on a tendance à vouloir retenir cette portion-là. Moi, cependant, je pense qu'on met la main sur quelqu'un qui a de l'expérience, qui connaît le foot, qui connaît le marché du football à Montréal, puis qui va être en mesure d'aller chercher justement Il connaît le cette espèce football canadien, d'attrait-là. il connaît les joueurs canadiens aussi. C'est ça qui est important. Ouais. On l'a souvent dit dans les Canadiennes, Pascal. Le football canadien, c'est pas l'équipe qui a les meilleurs Américains qui remportent la Coupe Grey ou encore qui est une équipe compétitive. C'est l'équipe qui recrute et qui développe le talent canadien. C'est souvent ça, Ah oui, et c'est Danny ça. Machocha connaît ça, là. C'est ça, Puis moi, positif. je pense aussi que son passage au niveau du U Sports, de l'Universitaire canadien avec les Carabins, est super favorable au fait qu'il a également vu la portion du niveau qui remplit les postes canadiens. Lui, là, il connaît le système universitaire canadien par cœur. Donc, moi, je pense pour un directeur général, c'est un plus. Il a également des contacts. Ses contacts qu'il avait au niveau de la Ligue canadienne, il les a toujours. Il y a cette portion-là qui est un plus. Je veux dire, on part quand même d'avec Kavis Rees, Ah, là. c'est ça que j'ai Tu sais, marqué sur les médias sociaux aujourd'hui. J'ai dit, rappelle-toi, voilà un an, là. Tout ce qu'on parlait des Alouettes, on parlait de Kavis Rees. On avait juste ça. Il n'y avait plus rien à dire. On avait juste ça. On attendait. Oui. Ben, je pense que c'est exactement ce que tu viens de dire là. T'sais, on aime bien ça critiquer puis dire, ah, ouais, mais tu sais, on avait Kavis Rees il y a pas C'est longtemps. sûr. Là, on a un directeur général qui a déjà été directeur général, qui connaît la Ligue canadienne, qui connaît l'universitaire canadien, qui a des contacts, qui est Montréalais. Donc, tu sais, moi, je Ouais, pense c'est que sûr que tu regardes c'est ça, une c'est bonne sûr que. nouvelle pour Oui. les Alouettes. C'est sûr que ceux-là qui créent. Oui. C'est sûr qu'il faut pas s'attendre. Tu sais, c'est pas. Je sais pas, moi, c'est pas un Marcel Desjardins, mais c'est un gars. Parce que Marcel Desjardins, quand même, on oublie la dernière année, c'est un excellent directeur général. Par contre, on part de Kavis Rees, là. Fait que, en partant, une C'est grosse ça. amélioration déjà, là. Absolument. Mario Cicchini. Lui, écoute. Je le connais, on le connaît. Moi, je le connais ce qui est dans le monde des médias. C'est l'ancien président du 91-9, Sport à Montréal. C'est l'ancien président également de Corus. Moi, ce que je retiens, c'est que c'est un gars qui connaît le monde des médias, qui vient du monde des médias. Et tu sais comment c'est jamais dédaigné là, pour attirer des commanditaires, il faut que tu aies une bonne exposure. Puis Mario Cicchini va savoir où aller cogner aux portes, là. Exactement, les contacts. Ouais, Les les contacts contacts. que cet homme-là a, Ouais. ça n'aura aucun rapport avec l'organisation qu'on a eue dans les dernières années. Je pense encore une fois que c'est une belle acquisition. Écoute, on n'avait pas de propriétaire. On avait Kavis Rees comme entraîneur, Ouais. comme directeur Patrick général, puis on Boivin. avait Sherman comme entraîneur-chef. Je pense qu'on peut être soulagé et confiant dans la saison morte qui s'en vient, tu sais. On a vraiment pris trois grands pas là, en ce moment avec disons, ces trois nouveautés-là, même si Curry Jones était déjà entraîneur-chef pendant la saison. C'est quand même ça va être nouveau pour lui, la saison morte en tant qu'entraîneur-chef. Et je pense qu'on est déjà en avance. Ben, On est pas pas mal mal à en part de... avance Pas mal à part de sur ça, parce que où ce qu'on était. Ouais. je vais l'avoir, je devrais l'avoir cette semaine d'Anima Tchoshia. Par contre, je l'ai écouté tantôt 91.9, puis il a dit on est en retard. On est en retard comparativement. Parce que là, la signature des marchés des Ah, joueurs ben oui, autonomes, oui, ça oui. va arriver quoi? Oui, C'est où? oui. Ça ouvre au mois de milieu février, le marché des joueurs C'est autonomes? ça, exactement. Ça l'ouvre très bientôt. Donc, effectivement, si on compare avec les autres clubs, on a peut-être un léger retard, mais ce n'est pas un retard Non. qui est nécessairement dommageable. Peut-être qu'il y a un niveau de profondeur là, qui va faire qu'on va perdre certains joueurs, mais je pense que pour les joueurs qui avaient quand même Montréal dans la mire, par Ben rapport au ouais. marché des joueurs autonomes, je parle, ben là, ils vont être encouragés de savoir qu'ils peuvent aller dans une organisation qui a un propriétaire, un directeur général et un entraîneur-chef qui est reconnu par ses joueurs. Ouais, effectivement, puis c'est quand même quelque chose de très solide. Le premier mandat qu'il doit améliorer, c'est quoi? Améliorer la ligne défensive, parce que John Bowman, à 37 ans, c'était lui le lieutenant général. Ça, faut améliorer ça, un secondaire pour mettre de la pression sur le carrière. C'est sûr que la boîte défensive mérite d'avoir beaucoup d'amour là Ouais. dans ce qui s'en vient par rapport particulièrement au niveau de rajeunir, comme tu dis, la ligne défensive, amener quelqu'un aussi qui va être en mesure d'amener de la pression de l'extérieur là, de faire peur aux bloqueurs offensifs. Ça va être un point majeur pour les Alouettes selon moi. Ça serait le fun aussi de trouver une solution à stand-back. Tu sais, qu'on Ouais. sait qu'il n'est pas nécessairement parti pour de Non. bon, là, mais Mais on l'a ça, quand c'est même facile de libéré. Donc, trouver un bon porteur de ballon, là. Mais ben, essayer d'avoir des c'est contacts. facile, Ouais. mais il faut qu'il fitte bien dans le système. Tu Ouais. sais, puis Johnson. ça peut sembler facile, mais ce qui peut être compliqué, c'est de trouver un porteur de ballon qui va bien comprendre la protection également qui vient avec le système canadien. C'est pour ça qu'on ne peut pas juste prendre juste en pensant qu'une recrue peut arriver immédiatement. Fait qu'on, ça serait intéressant. Puis je pense que d'amener aussi une cible à Vernon Adams, Ouais. que c'est automatique. T'sais, oui, Lewis a bien fait, là, mais tu sais, une cible qui est automatique, qu'on va aller à lui lorsqu'on tombe en couverture zéro ou lorsqu'on donne l'isolation du côté court, qu'on sait qu'on peut attaquer ce gars-là, puis qu'on n'a pas le choix défensivement d'avoir un plan. Parce que tu sais, je pense pas que les défensives adverses arrivent avec un plan nécessairement basé contre un receveur comme Lewis, exemple. Ou posé, même si c'est d'excellents receveurs, je pense qu'il y a une espèce de comment je dirais ça là, tu sais, un target là, qui rend la tâche complexe à un corner défensif serait intéressant au niveau de l'attaque également. OK, donc évidemment, puis là, tu sais, Carey Jones, a toute son importance là-dedans, le fait qu'il connaît la Ligue canadienne, connaît, tu sais, il va être en mesure de Ben, conseiller Danny Machocha. oui, puis Curry Jones, là, il faut pas oublier, OK, son plus grand atout, c'est qu'il est aimé par ses joueurs. Ouais. C'est ce qu'on appelle un player's coach. Ça se parle dans la ligue. Tu sais, pourquoi il y a beaucoup de joueurs qui ont décidé d'aller à Winnipeg? Parce que Mike Cochet a cette réputation-là aussi d'être un coach apprécié par les joueurs, d'être un coach qui écoute ses joueurs. Donc, tu sais, oui, effectivement, c'est des gestionnaires qui vont faire des coupures, qui vont libérer des joueurs, qui vont mettre des joueurs sur le banc. Mais en général, Curry Jones, c'est un coach qui est aimé. Et puis ça, quand ça se parle dans la ligue, ça fait que c'est moins peurant là, Ouais. de signer comme agent libre. Puis peut-être ça peut coûter moins cher des fois aussi, tu sais. Mathieu Boulay disait ce matin dans le Journal de Montréal, je sais pas si c'était repris dans le Journal de Québec, parce que je sais que moi je suis abonné au Journal de Montréal, il disait que Danny Machocha, c'est un gars qui aimait bien avoir carte blanche, qui aimait bien avoir une mainmise sur le choix des adjoints de l'entraîneur. Le fait que Kerry Jones est là, qui a fait une bonne job, je pense que Machocha va être pas mal plus écouté, parce qu'il parlait avec Bob Sovic pour être en danger. Ben écoute, Machocha a déclaré là, pas plus tard Ouais. qu'aujourd'hui, que l'entraîneur-chef sera la personne qui décidera de ses adjoints. OK. Je pense que peut-être que Machocha a Réputation là. cette façon de cette réputation, cette façon de travailler là habituellement, Mais je pense pas qu'en arrivant en ce moment à Montréal, ce serait très stratégique d'arriver puis de faire le ménage ou Non, non, t'sais, surtout que... Ouais. surtout que ça s'est bien passé. Ouais. Une fois que Carey Jones a mis ses entraîneurs adjoints en place, puis qu'on l'a senti prendre contrôle, là, prendre le volant, je pense que stratégiquement, je pense pas que Danny va arriver puis va brasser les cartes, là. Je pense Non, qu'il va arriver puis qu'il va laisser la place à. Parce que tu sais, il y en a qui parlaient de Noel Thorpe puis que c'est son bon chum, entre guillemets. Tu sais, c'est un gars que Danny aime bien, Noel Thorpe. Je dis pas qu'on verra jamais Noel Thorpe revenir à Montréal, mais Ouais. tant et aussi longtemps que ça va bien aller, je pense pas que ça va être un move qu'il devrait faire rapidement. Mais OK. là, tu sais, c'est mon opinion, là. Ouais. Ben Pascal, on va se parler régulièrement, j'ai l'impression, puisque l'actualité va recommencer. Aïe, rapidement, je sais pas si j'ai oublié de t'en parler en dehors des ondes. Clemson, LSU ce soir, je sais pas si tu as assez le football Yes. collégial. Ah oui, absolument. OK, moi je vais y aller avec LSU parce que le fait qu'il joue dans le SEC, à quelque part, Ouais. c'était. D'abord, Clemson mérite amplement là, leur place parce qu'ils ont battu Ohio State, un gros club. Mais le LSU joue dans tellement de grosses universités, avec des grosses universités avec Auburn, Georgia. Je dois y aller avec. Puis le fait qu'ils vont être à la maison, il va avoir à peu près. On dit qu'il va avoir 70% des gens qui vont prendre pour LSU. Ça va aider LSU. Moi, à mon avis, je ne sais pas ce que tu en penses. Écoute, c'est deux équipes que j'adore, Ouais. deux entraîneurs-chefs incroyables. Je veux dire, le NCAA, pour moi, c'est une des plus belles ligues à Ben regarder oui. dans presque tout sport confondu. Quand tu... J'adore ce football-là. J'adore les jeunes, les voir. Puis, tu sais, je dis des jeunes, c'est des jeunes adultes, là, mais j'adore les voir aller puis les voir jouer. J'aimerais voir LSU gagner, juste pour l'histoire de LSU cette année. Joe Burrow. Comment exactement le Heisman est là, comment le coach est en mesure de c'est un coach qui t'est. Je veux dire, faut que tu l'écoutes en entrevue, cet homme-là, pour apprécier toute l'organisation. Cependant, si j'avais à mettre un petit 2, je vais le mettre sur Clemson. Je pense que Clemson est une formation qui a eu certaines difficultés dans la saison. Pas des difficultés majeures, là, mais tu sais, ils ont eu peut-être des creux, mais ils ont fini la fin de saison en force. Puis leur dernier match contre Ohio State, écoute, leur attaque a été tellement dominante. J'ai comme l'impression que l'expérience des derniers championnats pour l'équipe en général va avoir le dessus au quatrième quart contre LSU. Ok, c'est tout un match. Pour les gens qui savent, on en parle souvent, un coup que tu as compris, c'est comment ça marche la NCAA. Parce qu'il y a tellement d'équipes, tellement de divisions, il y a tellement. Ouais. T'sais, un coup que tu as compris tout ça, je pense que quelque part, c'est génial. Puis c'est fun de voir les prospects. Ben, Parce écoute. que, Pascal, tu es d'accord avec moi que ça va mettre aux prises les deux premiers choix des deux prochaines années. Joe Burrow d'un Ah bord oui. et Trevor Lawrence de l'autre bord. Qu'on dit que c'est un Trevor carrière. Lawrence, hein? Générationnel qui est Trevor Lawrence, qui a un carrière qu'on ne voit pas. Écoute, c'est le meilleur qui est sorti de la NCAA depuis Andrew Luck. Ce qu'on dit, là, les. Ben, ouais, pis tu sais, Trevor Lawrence, là, il ressemble beaucoup à Deshaun Watson dans son style de jeu. Puis, Meilleur je veux dire, c'est pas un passeur. hasard, là, Deshaun Watson qui vient également de Clemson. Mais il a une qualité, il est un petit peu meilleur dans la pochette protectrice au même niveau, là. Je pense qu'aujourd'hui, Deshaun Watson, il s'est développé comme un des grands carrières presque dans la NFL déjà, là. Mais Trevor Lawrence est spectaculaire, mon ami. Puis c'est de valeur pour l'NCAA parce qu'il va tout de suite se mettre au repêchage l'an prochain. Après la prochaine saison, là. Mais regarde, si vous pouvez regarder ça ce soir, je vous le dis, vous allez voir les meilleurs jeunes hommes de football au monde jouer ce Oui, soir. effectivement. Pascal, gros merci, on s'en reparle bientôt. Ça fait Notre plaisir. collaborateur, Pascal.